mes yeux se sont posés sûrement tous tes sourires m'ont rassuré. Jamais je n'ai pu le dire, jamais je n'ai pu l'écrire. Probablement que jamais je ne le saurai. C'est toi.